sape qui j'en tombe si cré. L'air vraiment enragé, super énervé. C'est vous même qui sape calmer, mon cœur désarmé. Soulez moi, mon poche qui n'est si haut. Où ça vient du loup, cœur douce, passe si haut. L'amour à nous si haut, bouche à vous si haut. C'est tout corps à nous qui n'y a goût si haut. C'est ou qui si haut. C'est soleil là qui amène moins doudou. C'est ou qui si haut. Mène moi les doudou. C'est ou qui si haut. En bas la vie, c'est vous celle qui a souri pour moi. Et l'air gardé, c'est moi qui j'ai tourné si haut. Mais l'air parlé, c'est ça qui calouci que moi. Anti-douceur, oh, oui. Doudou, c'est qui si haut. Doudou, c'est qui si haut. Parole en moins salé. C'est vous celle qui savent qui j'en coupe si crée. L'air vraiment enragé, super énervé. C'est vous même qui savent calmer un cœur qui désarmé. C'est vous qui